Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, le cas Lucien Léger le perpète. Longtemps, Lucien Léger a été présenté en effet comme le détenu le plus ancien de France, l'éternel recalé de la grâce présidentielle. 41 ans de prison entre 1964 et 2005. On ne savait plus vraiment pourquoi. Une mort d'enfant, la mort d'un petit fugueur, Luc Taron, 11 ans, découvert dans le bois de Verrières, en banlieue parisienne. Dans une série impressionnante de messages publiés à la une de presque tous les journaux, un corbeau signant l'étrangleur numéro 1 revendique le meurtre. Pendant 40 jours, il tient en haleine la France entière et mobilise une quarantaine de policiers à plein temps. Et son arrestation est un modèle du genre, en direct au JT de 20h sur la chaîne unique de l'ORTF. Ce 5 juillet 1964, Lucien Léger fait entrer le fait divers dans le grand spectacle de la télé. Depuis, on a un peu oublié l'affaire, mais également ses mystères, son enquête besogneuse et son coupable désigné qui pourrait être fabriqué. Puis surtout, à la lumière de ses faits et de ses incertitudes, cette peine incroyable de 41 ans. Comme quoi, la perpétuité dans sa dimension du désespoir pour le condamné peut exister. Nos invités aujourd'hui, Jean-Louis Vanni et Stéphane Tromplin, auteurs du livre « Le voleur de crime, l'affaire Léger », paru aux éditions du Ravin Bleu en 2012. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, récit documentaire Margot Pinel, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyen Nguyen. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Mercredi 27 mai 1964. Chaque matin, avant d'aller pointer à l'usine, Monsieur Bedard, la soixantaine, aime se promener au bois de Verrières, aux aurores s'il le faut. Il habite le village d'à côté, Igny, dans l'Essonne, à une vingtaine de kilomètres de Paris. Il est 5h30 du matin. Le jour se lève à peine lorsqu'il traverse le sentier forestier. 50 mètres plus loin, il aperçoit un tas, enfin une forme indéfinie. Intrigué, il s'approche, et là, au pied d'un chêne, s'étale le corps inerte d'un petit garçon, face contre terre. Bedard se penche, tâte son poignet déjà froid, pas de pouls, l'enfant est mort. L'homme court alors à toutes jambes jusqu'au village chercher de l'aide. Avec le médecin du coin, Henri Locussol, la police fait les premières constatations. Âge 10-12 ans, 1m40, la peau claire et les yeux marrons. Il présente un gros bleu sur le visage, de multiples griffures sur le cou, ses narines et sa bouche sont remplies de terre. Mais ses vêtements sont propres et on ne constate aucune trace de lutte sur le corps. Le docteur Locussol estime que la mort doit remonter à plusieurs heures, sans doute au cours de la nuit. Quant aux causes, on penche pour un accident, une mauvaise chute peut-être. Dépêché sur place, le commissaire Pavillon, chef de la circonscription de Palaiseau, constate lui des traces suspectes sur la nuque, comme il le précise au journal de 13h. Mes services se sont rendus sur les lieux, il était 6h environ, et à partir de ce moment-là, c'est-à-dire que nous avons d'abord cru à un accident. C'est-à-dire que le cas de l'enfant qui a repéré un nid dans les arbres et qui vient pour chercher à déloger ce nid. Mais comment l'a-t-on retrouvé exactement ? Au pied d'un arbre, justement, où il y avait un nid, à peu près à 1,50 m. S'agit-il d'un crime, monsieur le commissaire ? Apparemment. Pour l'heure, rien ne permet d'identifier le corps. Aucun enfant dans la région n'a été signalé disparu et personne ici ne le reconnaît. À 10h, le juge d'instruction Seligman est saisi. Au même moment, ce matin du 27 mai 1964, à Paris, un dénommé Yves Taron pousse les portes du commissariat du 8e arrondissement. Il habite juste à côté. Il vient signaler la disparition de son petit Luc, 11 ans. La veille, raconte-t-il, sur les coups de 17h, sa mère l'a surpris en train de chipper 15 francs dans son sac. Réprimandé, le gamin, vexé, a pris la fuite. Il a l'habitude de fuguer, c'est la troisième fois. Alors ses parents ne sont pas inquiétés tout de suite. Au matin, en revanche, voyant que Luc n'est toujours pas rentré, il se précipite au poste. Les policiers enregistrent la description de l'enfant et les habits qu'il portait. Au bois de Verrières, 20 gardiens de la paix ratissent désormais la forêt sur un rayon d'1 km et interrogent les possibles témoins. Il se trouve qu'un agriculteur affirme avoir vu quelqu'un aux aurores sortir du bois. Il devait être 5h du matin. L'homme, trapu, de type nord-africain, portait un costume bleu et une serviette à la main gauche. Quelques jours plus tard, le témoin décrit la scène à un journaliste. Ben, entre la découverte du corps et puis que l'homme l'a trouvé, on a vu un homme sortir du bois là-haut. Comme nous le voyons actuellement. Oui. Il avait l'air pressé. Assez pressé, oui, monsieur. Oui, oui, comment assez... était-il, cet homme? Assez grande corpulence, les épaules un peu voûtées, quoi. Puis dans le milieu du chemin, je ne sais pas ce qu'il pensait, il se secouait, franchement, il se secouait comme ça. Et puis en arrivant au poteau, là, par exemple, au poteau, le chien l'a crié. Vous, vous avez regardé, évidemment. Nous, on l'a regardé encore, il avait une serviette à la main gauche. Et après, nous, on n'y a plus prêté attention. Paris, 8e arrondissement, 18h. Yves Taron retourne au commissariat, muni d'une photo de son fils disparu. Le cliché examiné, les policiers l'invitent avec ménagement à les suivre jusqu'au commissariat de Palaiseau. Suzanne, la mère, est restée à Paris, encore pleine d'espoir. Sur place, Yves reconnaît les habits sous-cellés de son petit Luc, puis son corps sous le drap blanc de la morgue. L'autopsie montre que l'enfant n'a pas subi de violence. Il est mort par suffocation, la tête plaquée contre l'humus. Yves Taron retrouve ensuite son épouse dans les locaux de la première brigade mobile. Ils sont interrogés par les hommes du commissaire Sanson, chargés de l'enquête. Dans la soirée, les médias sont mis dans la confidence. L'enfant, retrouvé au matin dans le bois de Verrières, se prénomme donc Luc Taron. Il avait 11 ans. Ils apprennent également la présence de cet homme en bleu, arabe, nord-africain ou basané, enfin c'est selon, qu'on a vu sortir du bois peu avant la découverte macabre. Pour les journalistes, pas de doute, il s'agit d'un crime, la bonne affaire. Ils préparent en toute hâte les gros titres du lendemain. Mais la nuit sera encore longue. À 23h50, un anonyme téléphone à Europe 1 et déclare « Allez vite rue Marignan, une lettre concernant l'affaire Taron est déposée sur une de chevaux. » Puis il raccroche. Un journaliste s'y précipite. Rien. L'inconnu rappelle et précise « Aux 3 rue Marignan ». Le journaliste repart, toujours rien. Au troisième coup de fil, il laisse tomber. Un canular, certainement. Entre-temps, un couple marchant dans cette rue remarque une enveloppe glissée sur le pare-brise d'une deux chevaux, justement, avec inscrit dessus « Message urgent ». Par curiosité, il l'ouvre et lit son contenu. Après avoir demandé une rançon qui m'a été refusée par le père du petit Luc, j'ai emmené celui-ci à Palaiseau. Je l'ai étranglé à 3h. C'est un avertissement pour le prochain rapt. La rançon ou la mort. Voici les preuves que je suis bien le ravisseur. Luc portait une veste côtelée marron clair que j'ai gardée pour preuve en échange de la rançon. Luc portait un petit livre illustré et relié, Histoire de Bugs Bunny. Il m'a dit être né le 9 mai 1953 et que son père avait une voiture, une Ariane. Il avait du mercurochrome sur une jambe. Je l'ai trouvé au métro Villiers. L'homme vu à 5h du matin est hors de cause. Et c'est pour cela que j'écris ce papier. Signé XXX. Il est minuit largement passé. Nous sommes le 28 mai 1964. C'est parti pour 39 jours d'une folle correspondance. Au cours de cette même nuit, au siège de la première brigade mobile, le téléphone sonne. C'est, dit-il, l'auteur de la lettre déposée rue de Marignan. L'anonyme reprend point par point les détails fournis sur l'enfant, qui se révèlent tous exacts. Or, à peine 24 heures après le drame, personne ne pouvait savoir que Luc avait une trace de mercurochrome sur le genou, ni même qu'il portait un blouson de velours, disparu. Personne, si ce n'est l'assassin, ou un complice. Puis l'inconnu réitère ses menaces et insiste sur la culpabilité du père, Yves Taron, 56 ans. Interrogé, celui-ci dément formellement. Non, il n'a jamais reçu de demande de rançon, ce que l'enquête confirmera. Dans les jours qui suivent, les messages signés XXX se multiplient. Acheminés par pneumatique, c'est l'époque, ils sont tous postés depuis le 7e arrondissement à destination des journaux, des radios, de la police et jusqu'au ministre de l'Intérieur. Ils téléphonent aussi directement en rédaction. Celle, par exemple, de Radio Luxembourg, futur RTL. Je vous ai fixé un rendez-vous au café aux armes de la ville, 66 rue de Rivoli. Je ne sais pas si vous y avez été. En tout cas, moi, j'y étais comme je l'avais annoncé. Dans les prochaines lettres que je vous enverrai, pour vous donner toutes les indications nécessaires à votre enquête, j'écrirai au normographe. Car je sens que le filet commence à se resserrer autour de moi. Et je deviendrai plus prudent. Messieurs, au revoir. Et très bientôt, je vais vous rappeler. Rien, pour l'heure, ne permet d'identifier l'auteur de tous ces messages. Et les enquêteurs se perdent dans un dédale de pistes semé à l'envi par cet étrange histrion, étrange et surtout de plus en plus menaçant. Le 2 juin 1964, les funérailles du petit Luc ont lieu, méticuleusement encadrées par les hommes du commissaire Sanson. Ils scrutent les visages dans le cortège et prennent plus de 1500 photos. Le lendemain, nouveau message. Les obsèques étaient parfaites. J'étais heureux d'y assister, comme j'assisterai aux suivantes si la rançon n'est pas payée. XXX signe désormais l'étrangleur numéro 1. Voilà qui fait sensation. Et la France, au mi-temps des Trente Glorieuses, bascule dans la psychose. Comme en témoigne le journaliste d'Interactualité, le 4 juin 1964. Les psychiatres, les experts en écriture qui ont examiné les messages, ont fait son portrait psychologique. Ils ont bien dit que c'était une sorte de fou, particulièrement surexcité. Oui, ils ont dit que c'était un paranoïaque dangereux avec une obsession, celle de jouer à tout prix un rôle, en un mot d'occuper la première page des journaux, de créer une psychose d'angoisse collective. Le fait est qu'il arrive d'ailleurs à ses fins. La psychose de l'étrangleur se répand, il est à peu près certain que des maniaques ou des plaisantins profitent de la situation. 10 jours après la découverte du corps de Luc Taron, on comptabilise déjà 26 messages du corbeau, sans compter les innombrables coups de fil. Dès lors, des pages d'une écriture serrée, soigneusement contrefaite, s'étalent à la une de Paris Presse, destinataire privilégié de l'étrangleur. Et les récits s'allongent. Entre deux digressions sur la société pourrie ou la dénonciation de la torture en Algérie, cette guerre est finie depuis 2 ans à peine, l'anonyme demande 50 millions de nouveaux francs sous peine d'un enlèvement immédiat. Il livre aussi de nouveaux détails sur la nuit du 26 mai 1964. C'est à 20h30, dit-il, à la station Étoile, qu'il remarque le petit Luc monté dans un wagon. 4 arrêts plus tard, à Villiers, il l'aborde sur le quai. L'enfant lui raconte qu'il est parti de chez lui après avoir fait une bêtise et qu'il n'ose plus rentrer. L'étrangleur lui propose alors de faire un tour en voiture. Au bout de 30 minutes, ils arrivent au bois de Verrières. Luc a besoin de faire ses besoins, mais s'inquiète de savoir s'il y a des loups dans la forêt. Le conducteur le rassure et l'entraîne sur le sentier. C'est alors qu'il pose sa main sur sa nuque et le plaque à terre. Le 10 juin 1964, s'adressant cette fois directement au père de Luc, l'étrangleur poursuit. « Je vais vous donner un détail accablant. À un moment, j'ai relâché mon étreinte, car j'avais des crampes dans les doigts. » Pour Yves Taron, pas de doute, il s'agit bien de l'assassin. En témoigne la réflexion faite sur les loups, la phobie de son fils. L'étrangleur, lui, continue de semer ses maudits petits cailloux. Il précise, par exemple, qu'il habite dans le 15e arrondissement de Paris et qu'il possède une déesse, ou alors carrément qu'il vient de tuer un clochard sous le pont Alexandre III. Les investigations systématiques se poursuivent, en vain. Dans chaque missive, il y a du vrai et du faux, aux enquêteurs de faire le tri. On n'en est qu'au début, et vous n'avez pas fini de vous faire ridiculiser, écrit-il au commissaire Sanson. Bientôt, les billets traversent la Manche et s'affichent dans le Daily Mail, où il se vante d'être le plus grand criminel du siècle. Une mégalomanie noire, alimentée sans cesse par les médias, comme en témoigne cet extrait des actualités du 17 juin 1964, 3 semaines après la découverte du corps de Luc Taron. Jacques Chabot, il nous faut retrouver encore une fois l'affaire Taron. On en est toujours à la lettre hallucinante que l'étrangleur a envoyée à Monsieur Taron. Vous l'avez probablement tous lu. Elle a fait les gros titres de la presse. L'étrangleur doit être satisfait, lui qui veut de la publicité. Oui, c'est ce qu'il disait dans une de ses dernières lettres. Ne cessez pas de parler de moi, sinon il y aura un nouveau cadavre et je ne reculerai pas. On l'a d'ailleurs déjà remarqué, chaque fois que l'étrangleur n'est plus à la une, comme nous le disons, il s'est empressé de faire rebondir l'affaire, et cela suivant les meilleures règles du journalisme à sensation. Je suis de cette graine qui pousse dans le printemps des monstres, etc., etc. Les messages se succèdent, et malgré les 40 policiers mobilisés en permanence, jusqu'à 120 par moment, l'enquête est au point mort. Alors, à la fin du mois de juin, on commence à se lasser un peu de ce jeu de pistes morbide. Et la presse réduit la voilure, à croire que ça agace son auteur, qui va alors multiplier les risques. Le 27 juin 1964, un certain Lucien Léger, 27 ans, infirmier psychiatrique de Villejuif, se rend au commissariat des Invalides à Paris. Il habite un hôtel juste à côté, il vient déclarer le vol de sa deux-chevaux. 4 jours plus tard, le 1er juillet, il revient pour indiquer au policier qu'il a finalement retrouvé son véhicule à la suite d'un coup de téléphone de l'étrangleur. Oui, il l'invite à se rendre à Viry-Châtillon, sur le parkinage HLM. La voiture était bien là, l'intérieur maculé de taches de sang. Du sang humain, croit bon d'ajouter Lucien Léger, car j'en ai fait moi-même l'analyse à l'hôpital. Le lendemain, la 56e lettre signée l'étrangleur arrive sur le bureau de la première brigade mobile. Elle dit « Je me suis servi de l'auto de Lucien Léger pour transporter un truand de Pigalle. Je l'ai tué en lui fracassant le crâne à coups de marteau. » Les policiers ont alors la sensation de toucher au but. Ils procèdent d'abord à une enquête de routine sur la plainte de Lucien Léger. Convoqué le 4 juillet, son comportement paraît alors suspect. Un drôle de bonhomme, ce Lucien Léger, petit, fluet, portant des lunettes fumées, toujours souriant, mais sur la défensive. Les explications qu'il donne sur le coup de téléphone anonyme sont confuses, il s'embrouille. En fin d'après-midi, les policiers décident de faire une perquisition à son domicile, l'Hôtel de France. On y découvre, entre autres multiples indices, des coupures de presse consacrées à l'étrangleur, épinglées au mur, des feuilles de papier identiques à celles envoyées et un portrait robot publié par Paris Presse à partir d'un faux témoignage et sur lequel Léger a ajouté au crayon ses lunettes, qui ne le quitte jamais. À 20h, il est conduit dans les locaux de la première brigade mobile. L'interrogatoire durera toute la nuit. Au petit matin du 5 juillet, il avoue être l'auteur des lettres signées l'étrangleur. 2 heures plus tard, il dira « Je suis l'assassin du petit Luc ». Interrogé par l'ORTF, l'adjoint du commissaire Sanson, Roger Bacou, raconte ce moment d'aveu. Eh bien, ça a été un moment assez curieux parce qu'il s'est effondré, il a pleuré. Il a pleuré. Vous avez l'impression qu'il était libéré d'une obsession? Ah oui, moi personnellement, j'ai eu l'impression très nette d'une libération. Nous sommes au cœur des années 60 et la télé s'installe peu à peu dans les foyers français. L'ORTF est né il y a un mois à peine et commence à imposer ses rendez-vous quotidiens. Parmi eux, le 20h, le JT. Ce dimanche 5 juillet 1964, on attend des nouvelles du tour. Anctil et Polydore se défient en Andorre. Et c'est alors que la nouvelle tombe. L'étrangleur est démasqué. Il s'appelle Lucien Léger, il a tout avoué. La voix du célèbre Frédéric Potcher résonne et dresse le portrait de cet infirmier psychiatrique de 27 ans, un individu, dit-il, paranoïaque, mégalomane et solitaire. Les journalistes interrogent les parents du petit Luc. Elle, brune, distante, tailleur et lunettes noires, lui, détendu, la clope au bec. Il souhaite la mort de ce Lucien Léger, qui en ce moment même est transféré au palais de justice de Versailles. Le reporter sur place réclame l'antenne. Heureusement, on avait tout prévu, un dispositif mobile, des caméras électroniques, des torches d'éclairage, priorité au direct. C'est dans une ronde noire que Lucien Léger est conduit au palais de justice. La foule se précipite sur la voiture et semble vouloir rendre par elle-même justice à ce meurtrier. Tout ça en ce moment submergé par la foule. Les policiers sont obligés de le protéger. Il se fait taper dessus par tous les gens qui se trouvent sur les abords du palais de justice. Assassin ! Mais tuez-le ! Pourquoi ? C'est un assassin de gosse ! Bientôt, tous les objectifs sont braqués sur le visage satisfait de Lucien Léger. Oui, il est là, tout sourire, goguenard, encadré par 2 flics, pas peu fiers, eux non plus. Alors il fait des petits signes de la main, malgré les menottes, malgré les insultes. Il porte ses fameuses lunettes noires fumées, et d'aucuns lui trouvent un petit air de Jean-Luc Godard. Après le tumulte, les policiers parviennent à le faire entrer dans l'enceinte du palais de justice. Le juge d'instruction Seligman inculpe de rapt d'enfants et d'homicide volontaire, avant de l'envoyer à la prison Saint-Pierre de Versailles. Maurice Garçon, l'un des plus grands avocats du siècle, sera son défenseur. Le lendemain, 6 juillet, il rencontre son client pour la première fois. tout à trac. Lucien Léger lui confie que c'est bien lui qui a écrit les lettres de l'étrangleur, mais qu'il n'a pas commis l'assassinat du petit Luc. Sceptique, Maître Garçon lui déconseille ce mode de défense. Un an plus tard, Léger change d'avocat et revient officiellement sur ses aveux. Son procès, prévu pour le mois de mai 66, s'annonce historiquement médiatique. Monsieur, vous connaissez bien Monsieur Léger. Vous l'avez vu, enfin, il est juste en dessous de chez nous. Oui, en dessous de chez nous. Oui, tenez, madame, peut vous avancer, vous mettre dans la lumière. Non, non, mettez-vous dans la lumière. Je ne suis pas habillé. Comment était-il, ce monsieur Léger? C'est un monsieur qui... C'est un monsieur qui... Vous n'êtes pas le monsieur des vœux, par hasard, non? Un monsieur qui est plus... Non, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Ce monsieur Léger, que vous voyez passer tous les jours, qui habitait juste en dessous de chez vous, c'est l'étrangleur. Oh, menteur. Allez-vous-en, hein, Il est à la police depuis hier, je vous garantis. Allez-vous-en, je vous en prie. Prénom de fleur et des cheveux qui s'en vont, et ses grosses mains d'étrangleur sentent le savon. Hyacinthe, Hyacinthe, je lui confierai pas ma sœur, je refuserai son parapluie et je prendrai pas l'ascenseur tout seul avec lui. Hyacinthe, Hyacinthe, même s'il sent la camomille, même s'il propose des cachous, même si je me sens en famille en présence d'un fou. Il a un rire de fillette quand un oiseau du seigneur dans ses grosses mains d'étrangleur vient manger des miettes. C'est peut-être moi qui déraille, mais si j'étais une caille, j'aimerais mieux mourir de faim que de manger dans la main de Hyacinthe, alors que le jour s'enfuit, alors que la cloche tinte, alors qu'il s'ennuie, sans un cri, sans une plainte, sans un bruit, sans une quinte, vous partirez faire fortune dans la région de la lune. Car lorsqu'il pète un fusible, il n'a plus de sentiment, mais il a l'été sensible, et dans son logement, Hyacinthe. Trempe ses pieds dans une bassine et rompt avec le passé. Sa conscience assassine de fleurs est tapissée. Demain à 13h30 au palais de justice de Versailles, ouverture du procès de Lucien Léger, accusé de l'enlèvement et de l'assassinat du petit Luc Taron, âgé de 11 ans. C'est le conseiller Braunschweig qui présidera les débats qui seront peut-être mouvementés. Après s'être vanté d'être l'auteur de ce crime odieux, Léger, détenu depuis 2 ans, se déclare aujourd'hui innocent. Il y aura 120 témoins. S'il est reconnu coupable et responsable de ses actes, c'est la peine de mort. 3 mai 1966, cour d'assises de Seine-et-Oise, Versailles. Voyez ce petit homme brun dans son costume d'alpaga gris. Lorsque Lucien Léger apparaît dans la salle archicomble du tribunal, les jurés se demandent comment il a pu faire trembler la France 40 jours durant au printemps 64. Depuis son arrestation il y a 2 ans, Lucien Léger a tout avoué puis s'est rétracté. Il veut bien rester l'étrangleur des messages, oui, mais par celui du bois de Verrières. « J'ai créé ce personnage odieux, dit-il, mais c'était pour moi un simple personnage de roman. » À l'ouverture de son procès, il répète alors au président Braunschweig sa nouvelle version. « J'ai reçu un coup de téléphone dans la journée du 27 mai 1964 d'un dénommé Henri, qui m'a raconté avoir tué Luc par vengeance contre son père. » Ce n'est qu'ensuite que j'ai joué le rôle de l'étrangleur pour aider le criminel à se soustraire à la justice. Alors le président demande, enfin Léger, qui est cet Henri ? Je parlerai peut-être. Dans 5 jours, répond l'accusé. Son avocat, maître Alberneau, se tasse sur son banc. Le président lit ensuite les 56 lettres signées de l'étrangleur, accablantes de détails. Lucien Léger, lui, tient à nouveau la vedette. Acteur et metteur en scène de son affaire, il a réponse à tout, comme le raconte le chroniqueur Frédéric Potcher au micro de l'ORTF. Léger se défend pied à pied, essaye de raconter qu'il est absolument possible que, d'après les récits que lui aurait fait le nommé Henri, il ait vu ainsi avec tant de précision, tant de détails exacts, décrire ce qui s'était passé. Il a décrit tout à l'heure l'assassinat du petit Taron, c'était véritablement épouvantable. Ces lettres mettent aussi en lumière une personnalité trouble, mégalo, mythomane. Lucien Léger se vante par exemple d'avoir un père haut fonctionnaire ou d'avoir été élève à l'école normale. Mais qui est-il réellement ? Le deuxième jour du procès tente précisément de répondre à cette question. Né en 1937, il a grandi dans les Ardennes au sein d'une famille très modeste de 7 enfants. Dans le voisinage, son père, ouvrier, surnommé le Niais. À l'école, le jeune Lucien laisse le souvenir d'un garçon triste, effacé. En 1957, après le certif et un demi-CAP de mécanicien, il est envoyé en Algérie. Estimé par ses supérieurs, il est aussi profondément bouleversé par le spectacle de la guerre. Il y restera un peu plus d'un an. À son retour, il rencontre sa future épouse, Solange, pupille de l'assistance publique. Elle est aussi très fragile psychologiquement et elle multiplie les internements. C'est pour elle, pour l'aider justement à se soigner, qu'il deviendra infirmier psychiatre à l'hôpital de Villejuif. Et d'ailleurs, il est apprécié par ses collègues, qui le décrivent comme intelligent, ouvert et cultivé. Car Lucien Léger est aussi un surprenant autodidacte qui se pique de musique, de poésie et de dessin. Dans sa chambre, tapissée de livres, les enquêteurs ont d'ailleurs retrouvé une ébauche de polar au titre troublant « Le journal d'un assassin ». Inspiré d'un fait divers, c'est l'histoire d'un meurtrier qui tue pour rien et se retrouve à la une des journaux. Au procès, l'accusation brandit le manuscrit comme une pièce à conviction, rebaptisée, pour l'occasion, le journal d'un étrangleur. Mais est-ce bien suffisant? Tout au long des audiences, le président Braunschweig s'évertue à chercher un mobile, un vrai, à ce crime insensé. On appelle alors à la barre les experts, graphologues et psychiatres qui se sont penchés sur le cas Lucien Léger. Était-il en état de démence au moment des faits? Peut-il répondre de ses actes? La défense, elle, soutient la thèse de la demi-folie, d'un état crépusculaire, épileptique, voire d'un œdème au cerveau. Le débat est sérieux et personne n'arrive vraiment à se mettre d'accord. Potcher compte les points. D'abord les graphologues. L'écriture de Léger indique une grande maîtrise de soi. Le docteur Lafont, psychologue, ce qui domine chez Léger, messieurs, c'est l'insatisfaction, c'est la frustration. Je pense que pour se débarrasser de son crime, Léger a créé un personnage odieux, le docteur Dublineau. Léger n'était pas en état de démence au moment des faits. Ce n'est pas non plus un mythomane délirant, mais il souffre, c'est vrai, d'une tuméfaction osseuse de la région frontale gauche. Puis voici le docteur Heuillère, qui, lui, se refuse absolument à considérer Léger comme un dément ou comme un épileptique. Ainsi, les psychiatres admettent-ils au mieux une légère atténuation de la responsabilité en raison de ses antécédents, de son milieu familial et de sa vie conjugale? La perspective de la peine de mort s'éloigne. Mais pour la défense, ces conclusions se basent sur l'unique certitude que Lucien Léger est bien l'auteur du crime, sur la foi de preuves matérielles. Pourtant, de nombreuses questions méritent d'être soulevées. D'abord, il y a l'attitude du petit Luc, le soir de son enlèvement. Le 26 mai 1964, il s'enfuit de chez lui vers 17h et aurait rencontré Lucien Léger aux alentours de minuit. Il traîne donc de longues heures dans Paris et dans le métro. Or, aucun témoin ne remarque cet enfant de 11 ans esselé en pleine nuit. Comment a-t-il pu passer inaperçu? Ses parents le décrivent aussi comme un gamin difficile, cancre, scolaire, un brin chapardeur. Au début de l'enquête, il répète qu'il n'aurait jamais suivi un inconnu comme ça. Le docteur Luxol, le premier arrivé au bois de Verrières, souligne pour sa part une contradiction entre l'autopsie et la scène de crime. Tout montre en effet que Luc n'a pas été étranglé, comme on l'a trop souvent dit, mais qu'il est mort par suffocation, la tête plaquée au sol, maintenue par la nuque. S'il était encore conscient à ce moment-là, il se serait débattu. Pourtant, il n'y avait aucune trace de lutte autour du corps. Il y a enfin cet homme en costume bleu, remarqué par un agriculteur le matin du meurtre. Le témoin est toujours formel, mais l'enquête n'a pas permis de l'identifier ni de le retrouver. Alors, si c'était lui, le véritable meurtrier, hein, peut-être est-ce ce fameux Henri, cet ennemi qui voulait se venger du père. Yves Taron est d'ailleurs une personnalité assez énigmatique, au casier judiciaire pas toujours vierge. Depuis le début, il a mené sa propre enquête, apparaissant plus comme un inquisiteur qu'un père éploré. Pourtant, le président Braunschweig ne croit pas à ce mystérieux Henri. Non, trop de détails dans les lettres envoyées par l'étrangleur le confondent. Après l'audition du dernier témoin, le magistrat s'adresse solennellement à l'accusé. « Léger, je vous adjure de nous dire ce soir, et il en est encore temps, qui est le vrai coupable ?» Mais Léger ne dira rien et reprend la plume. Dans la nuit, il écrit une lettre au président, lue à l'audience du lendemain, le 7 mai 1966. Cette lettre est vraiment le reflet d'un individu, paranoïaque, car à un moment donné, il écrit ceci, « Face au pays qui me dit de crier le nom de l'assassin », et puis il ajoute, « Je ne parlerai, je ne prendrai ma décision de parler à la fin des débats ». Dans cette lettre, il est évident que Léger essaye de démontrer que ce n'est pas lui le coupable. Mais en réalité, il ne donne que des éléments de doute sur la personnalité de l'auteur de l'assassinat. Et je puis bien dire que la sensation qu'on a eue après la lecture de cette lettre, c'est qu'au fond, Léger restait le coupable de l'assassinat du petit Luc Taron. À l'heure des plaidoiries, l'avocat Albert Nau, militant de l'abolition de la peine de mort, décide de ne rien cacher de ses difficultés. « J'ai l'impression d'être inutile pour la première fois de ma carrière », confesse-t-il. « Je cherche l'homme, mais il se cache toujours derrière le personnage. Il refuse d'entrer dans le scénario de son client. Pour lui, Lucien Léger s'apparente, je cite, « à certains malades qui ont accompli des actes extrêmement complexes dont ils ne se souviennent pas eux-mêmes ». Après un rapide délibéré, la cour accorde des circonstances atténuantes à l'accusé et le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est à peine lu que Léger s'écrie « Monsieur le Président, vous venez de commettre une erreur judiciaire. Monsieur Taron connaît-il Georges-Henri Molinaro ?» Stupéfait, le magistrat lui demande de qui il parle. « Georges-Henri, serait-ce ce mystérieux Henri dont l'accusé parle depuis le début ? Et pourquoi dire son vrai nom si tard ?» C'est pour prouver qu'on fait des erreurs judiciaires en cour d'assises, lance Léger, qui précise « Georges-Henri Molinaro est commissaire à la DST, monsieur. Il habite rue de Rennes, dans le 6e. » Des applaudissements fusent, les journalistes se ruent sur le téléphone, les policiers partent sonner à toutes les portes, et rentrent bredouille. Nouveau coup d'éclat, nouvelle mystification. Lucien Léger aura réussi sa sortie, lui qui voulait tant connaître une gloire éphémère et entrer au panthéon des monstres du fait divers. La presse lui aura donné cette illusion. Pour sa sortie de prison, en revanche, il attendra 41 ans, sans public. Thank you. affaire sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le cas Lucien Léger avec nos invités. Ici, en studio, à côté de moi, Jean-Louis Ivani, journaliste, bonjour. Bonjour. Et au téléphone, Stéphane Troplin, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour. Oui, parfait. Oui, bonjour, je vous entends très bien. Oui. Parfait. Alors ensemble, tous les deux, vous êtes les auteurs d'une enquête qui retrace le destin criminel et judiciaire de Lucien Léger, c'est une somme, hein, c'est un gros livre, intitulé « Le voleur de crime, l'affaire Léger », publié aux éditions du Ravin Bleu en 2012. Moi, il me semble que, à travers cette affaire, il y a trois points importants. D'abord, le crime et le doute qui subsiste finalement sur l'accusé, l'hypermédiatisation de l'affaire, c'est le deuxième point. Et puis le troisième point, c'est cette peine de 41 ans de prison. Donc on va tourner autour de ces trois idées. Mais d'abord, votre ouvrage épais, alors de 700 pages, hein, est le fruit de 5 ans de recherche et de recoupement. Jean-Louis Ivani, comment se lance-t-on dans un tel projet? Ah, c'était ça, je me le demande encore. Mais bon, enfin bon, on l'a fait. Il a été fait. Moi, c'est... Si je me suis lancé là-dedans, c'est parce... par souvenir des années 60, oui. Où j'étais adolescent, j'avais 17 ans en 1964, et un soir de juillet, j'ai pour une fois regardé les journaux télévisés, et j'ai vu ce que vous avez décrit tout à l'heure, à l'instant, aussi bien le dimanche que le lendemain du lundi, donc les 5 et 6, et ça m'a fait... un effet extraordinaire. Je suivais pas trop l'affaire Léger. Je savais qu'il y avait une affaire énorme, genre un corbeau, mais bon, à 17 ans, on pense à autre chose. On s'intéresse à d'autres choses, notamment à Jacques Anquetil, oui, Raymond Poulidor, ah oui, à Andorre, avant la fameuse journée de repos. Bon, voilà. C'est un peu pour ça que j'étais là, d'ailleurs. Et c'est fait divers, vous avez remarqué. Ouais. Et je vois cette sortie du SRPJ, Fort Saint-Antoine, de cet homme, qui en plus est drôle. Enfin, moi, c'est horrible. C'est un mec, moi je pense qu'il avait, comme tout le monde, qu'il avait fait un crime odieux. Mm-hmm. Il avait fait. Mais je le vois rire, provoquer presque, décontracter. Et j'ai pensé tout de suite à une autre histoire qui a eu lieu. À l'automne précédent, c'était la sortie de Lee Harvey Oswald, oui, de l'hôtel de police, en direct sur les télés américaines. D'autant plus qu'il est fait par Jack Ruby. Oui, et ça s'est très bien terminé pour lui, puisqu'il a été exécuté, on peut le dire, par le dénommé Jack Ruby. On s'en est sûrement entendu se commander. Voilà, et le lendemain, je vois ce lynchage, quoi. Et on va revenir au lynchage. Voilà. C'est pour ça que quand j'ai appris... Oui. Je termine rapidement. Oui, quand j'ai appris, vers 2003, 2002, je sais plus, que Lucien Léger était encore en prison et même encore en vie, je vous le dis franchement, j'ai dit c'est pas possible, il faut que je se comprenne. J'ai rencontré Stéphane à ce moment-là. Stéphane, voilà. Stéphane Troplin, justement, même question pour vous. Alors effectivement, c'était en 2004. À l'époque, j'étais administrateur du Monde Libertaire, l'hebdomadaire de la Fédération anarchiste, et nous avions reçu le courrier d'un détenu de Bapaume qui réagissait à un article en nous livrant le cas de Lucien Léger, qui était incarcéré dans cette prison et qui entamait sa 40e année de détention. Et pour moi, j'ai eu immédiatement, en apprenant cette détention extrêmement, excessivement longue, une réaction d'effroi et de révolte. Et je me suis demandé, mais pourquoi avoir aboli la peine de mort en France si c'est pour la rétablir sous une forme lente? Donc ma démarche, dans un premier temps, a été une démarche militante. Il a fallu, enfin, pour moi, l'important, c'était à la fois de m'intéresser au cas de Lucien Léger, mais surtout de le faire sortir de prison et de lui rendre une liberté, enfin d'y contribuer en tout cas, de rendre une liberté qu'il réclamait depuis la fin des années 70. Alors une liberté, il faut le préciser aux auditeurs, qu'il a retrouvé en 2005, il est mort 3 ans après, c'est ça, hein ? Exactement, oui, parce que donc Lucien Léger était une personnalité complexe, mais aussi d'une santé fragile, et au cours de son incarcération de 41 ans, en prison, on est mal soigné, hein, je le dis tout de suite, Véronique Vasseur avait écrit un livre il y a quelques années à ce sujet. Et Lucien Léger avait de graves problèmes cardiaques, et je pense, a priori, qu'il en est mort 3 ans après sa libération. Comment s'est passé gardez la parole, Stéphane Troplin. Oui, on la donnera à Jean-Louis Ivani juste après pour compléter sur ce point-là. Comment se sont passés ces 41 ans de prison? J'imagine que... D'abord, quelles étaient ses conditions de détention? Comment a-t-il réussi à vivre entre quatre murs pendant 40 ans? C'est vrai que c'est fascinant. Alors, Lucien Léger a connu toutes les prisons, presque. Il a fait un tour de France des prisons depuis le sud jusqu'au nord. Il a connu le pire, probablement, du côté de Nîmes, hein, où c'était vraiment la cour des miracles. Il nous l'a raconté, des scènes absolument effrayantes. De personnes littéralement cagées, et puis un régime vers la fin de son incarcération à Bapaume qui était un petit peu plus acceptable pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, c'est quoi? Plus acceptable. Alors concrètement, à Bapaume, Lucien Léger était incarcéré dans une cellule double, donc il avait un petit peu plus de place que le commun des détenus. Quand je dis un petit peu plus de place, c'est une quinzaine de mètres carrés, mais voilà, c'était quand même pour lui quelque chose d'un petit peu plus confortable, si on peut parler comme ça. Et puis il était à sa demande à l'isolement, enfin c'est-à-dire que il était seul en cellule depuis plusieurs années. C'est un droit qu'il avait réclamé et qui doit normalement être appliqué, hein, d'ailleurs dans les prisons, mais on sait très bien comment ça se passe. Mais lui a pu avoir ce régime vers la fin de son incarcération, compte tenu aussi de son âge, qui était... Il avait avancé déjà, les 60 ans à l'époque. Jean-Louis Ivani, quand on dit qu'il a fait plusieurs prisons, donc au début les conditions d'incarcération étaient dures, j'imagine que ce sont un peu adoucies, mais qu'est-ce que ça veut dire encore plus concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire? Il était en danger, comme tous les prisonniers sont en danger par rapport aux autres prisonniers. Et puis après, est-ce qu'on a considéré quand même que depuis 30 ans qu'on le tenait derrière les barreaux, il fallait lui assurer un modèle de vie quand même, humain? Est-ce qu'il y a eu par rapport à ce détenu-là et cette si longue peine, au moins un souci majeur des autorités? Écoutez-moi, justement. Je pense que Léger est un accusé singulier, mais il a aussi été un détenu singulier. Il a quand même fait 14 demandes de révision, de liberté provisoire. Enfin, à partir de 79, il avait le droit. Il avait le droit. Il a fait deux grèves de la faim, qui ont été limites. Il ne les fait pas par hasard. D'ailleurs, il en fait une en 69, quand De Gaulle s'en va après le référendum. Mmh. Et il en fait une en 81. Comme Mitterrand arrive. Et il va être un militant. Mais alors un militant déjà de son affaire, mais aussi après un militant pour les autres détenus, pour les conditions de détention. Il écrit à tous les ministres, il a collectionné les ministres, y compris M. Badinter. Enfin bon. Il a... aussi au directeur de la détention, enfin bon. Et chaque fois, il a écrit de très longues lettres circonstanciées où il disait, il faut faire ci, il faut faire ça, et il argumentait, il a fait des études de droit, il a fait des études de philosophie, rien que pour ça. Et en fait, c'est ce qui l'a fait tenir. Bien sûr. C'est ce qui l'a fait tenir, parce que, comme dit d'autres anciens détenus, au bout de 20 ans, on craque. Donc il a fait un peu comme... Knobelpiece, mais avec beaucoup moins d'écho, parce que Knobelpiece, il y avait aussi des évasions, voilà, c'était un film. Hein. C'est presque un non-violent, Lucien Léger, hein. C'est pas presque. C'est pour ça, et là où le décalage est saisissant, quand on raconte son histoire, là, c'est de voir à quel point il était très longtemps en prison, et à quel point on l'a oublié, quoi. En fait, on l'a oublié. Mais si on va se retrouver dans 3 minutes pour continuer à parler de ce cas, Lucien Léger, après avoir écouté Malbert Mignon, One More Second. The last time we were together, lately it feels like forever. Thank you. last night. It felt like a different kind of fight. Give me one more second to dry my eyes. Give me one more day to realize. Smoke's in our eyes or in the distance. Either way, we're gonna miss. Give me one more year to get back on track. Give me one more life to win you back. Smoke's in our eyes or in the distance. Either way, we're gonna miss it. Why can't you just tell me what you're doing here? Jean-Louis Vanni, Stéphane Troplin, il nous reste 5 minutes 30 et vous êtes deux, donc j'ai encore deux questions à vous poser, deux thèmes. On va aller vite dans les réponses, à l'essentiel si vous pouvez. Je vais reparler de l'hypermédiatisation de l'affaire. Alors peut-être avec vous, Jean-Louis Vanni, et puis sur les doutes, peut-être avec Stéphane Troplin. Ou Stéphane, je ne vous vois pas, donc si vous voulez prendre la parole, vous passez par la régie, vous le dites et je vous donne la parole bien sûr. Donc, Jean-Louis Vanni... Oui, une vraie hypermédiatisation. Est-ce que c'est le premier fait divers dont la télé s'est vraiment autant emparée? On peut dire que c'est le début de quelque chose qui était nouveau à l'époque. Absolument. Jusqu'à ce moment-là, la télévision et même un peu la radio nationale négligeaient le fait divers, sauf si c'était des catastrophes climatiques. Qui touchaient plusieurs personnes, des drames. Bon. Là, il se passe quelque chose. C'est que depuis un an, la presse écrite recule en tirage. Oui. Nous avons l'essor des radios périphériques et nous avons aussi une réorganisation à France Inter. France Inter qui, en 4 ans, va quadrupler d'audience de 64 à 68. Et ça, c'est parce que aussi il y a le Niagara. Le Niagara, qu'on porte en bandoulière, qu'on vient d'inventer, mais qui est lourd, qui est très lourd, mais il permet de se balader et d'être avec les autres qui jusqu'à... Et même faire du montage sur place. Du montage sur place et de l'expédition. Et Ça, c'est important. Et il y a aussi le transistor, deuxième produit nomade. Oui. Donc, explosion de la radio. Oui. Et nous sommes en 64. Il y a déjà eu des rapts, il y a eu déjà eu des crimes d'enfants. On en a bien parlé. Mais là, va intervenir un autre média qui s'appelle Lucien Léger. Ah, j'allais dire la télé. Non, vous, Lucien après, Léger est un média à lui tout seul. Est un média à lui tout seul. Ouais. Il fait un feuilleton de l'étrangleur. Il raconte, ouais. Il renseigne, il invente, il se documente, il travaille, au Maxiton d'ailleurs. Ça c'est Léger, c'est pas l'étrangleur. Et il va fournir 56 lettres, mais dans les 56, il y a une dizaine, c'est des petites nouvelles. Ouais, c'est ça, il scénarise l'histoire. Il prolonge son journal de l'assassin. Bousculé, parce qu'on n'a pas le temps. Mais la presse aussi participe à la mise en scène, la je crois. Presse, que... bien sûr, bien sûr. La presse participe et elle en demande, faut dire. Le 20h met en scène l'arrivée, par exemple. Ah oui, oui, bien sûr. Mais vous avez l'arrivée au procès qu'on a entendu. Alors, l'arrivée au procès, là, il se passe quelque chose. Je vais vous donner un nom qui va peut-être évoquer pour certains. C'est là, le journaliste Jean-Pierre Chapelle. Oui, qui était un spécialiste aussi des sciences et de la Lune. Mais au départ, il venait juste, il avait quitté Europe 1, il venait d'arriver à la télévision. Et il suivait l'affaire avec Potcher. Oui. Et là, au moment de l'arrestation, dans les locaux de l'USRPJ, il négocie, au nom de sa rédaction en chef, avec les commissaires Camard et Bakou, la sortie de Lucien Léger vers 20h15, une fois que le sujet Léger sera passé en une, en ouverture, pardon, et le départ. Le départ, c'est les deux, une caméra dans la cour et une caméra pour le direct à la sortie. Et là, Léger n'est pas au courant. Ouais. Il est au courant parce qu'on l'a un peu filmé dans la journée, mais là, il ne sait pas. Et il continue, sortir en encadré, et il y a Potcher derrière qui fait un numéro extraordinaire. Et là, il y a un moment donné. Quand il s'installe dans la voiture, il se rend compte de la caméra Léger et il fait un geste où il s'essuie comme ça pour s'excuser de ne pas être rasé. Il s'essuie le menton. En fait, ce qui s'est passé, je termine. Oui, il reste quelques secondes pour Stéphane Tordelin. Ce jour-là, les actualités télévisées arrêtent de reprendre l'actualité, elles la créent. Oui, c'est ça. C'est la naissance du 20h. Voilà. Voilà. Donc c'est intéressant de ce point de vue. Stéphane Tordelin, il nous reste, je suis vraiment désolé, il nous reste 30 secondes. Voulez-vous ajouter quelque chose à cet angle-là? Sur la culpabilité de Lucien Léger, oui. Ce qu'on peut dire, c'est que si la correspondance de l'étrangleur pouvait être considérée comme une longue confession de l'assassin, dans ce cas, le scripteur n'aurait pas commis toutes ces erreurs, ces inexactitudes et ces affabulations. Il aurait été plus précis, plus circonstancié et surtout imparable. Or, c'est pas du tout le cas des messages signés l'étrangleur, ni même des aveux qui ont été plus tard donnés par Lucien Léger dans les locaux de la police et devant le magistrat instructeur. Lucien Léger, en tant que scripteur et en tant qu'inculpé, n'a pas cessé de se tromper sur les faits. Et donc ça, c'est complètement incohérent avec la théorie selon laquelle l'auteur des lettres serait lui-même l'assassin. Sur lui-même, bien sûr. Les enquêteurs du SRPJ avaient eux dégagé aussi une autre hypothèse, c'est que le scripteur, mais vous l'avez dit, le scripteur pouvait être un complice. Bah, c'est ça. Et c'est la piste que nous avons suivie dans notre livre Le voleur de crime. Bien, je suis désolé de bousculer comme ça, mais vous étiez deux et on n'a pas beaucoup de temps. En tout cas, merci, c'était très enrichissant. Merci d'avoir été venus tous les deux, Jean-Louis Ivani et Stéphane Tordelin. Et bien sûr, si les auditeurs veulent aller plus loin, il y a votre livre, les coordonnées de votre livre, sur le site de l'émission Affaires Sensibles. Merci monsieur, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le cas Lucien Léger. À la technique aujourd'hui, il y avait Julien Dumont.